à l'heure où mon esprit s'égare. Dans ma tête, tiens vide, mais qui s'y gare? L'individu s'est caché, je mets trop d'air dans mes cigares. Un poulet, un cigare, doigt sur la gâchette, un milieu glauque. Depuis l'arrivée du Glock, c'est criminel prouesse. L'état reflète, se montre dans l'éprouvette. Un dossier clos, des refs en barre, partout sur le globe, brave les girouettes. Mon entourage, crime grave, avenir proche, irrationnel. Je m'écras, crime crade, crime traditionnel, la justice nous écrase. Le placard n'effraie plus les frères, tout son en fait les frais. Quand j'étais mieux, je voulais qu'on m'appelle osé. Je rêvais de faire mes coups en bécane, parmi les petits bécas, intrigué par le PK. Je m'en vois 10 ans, je ferai pas le canard, même si ça se canarde. Des canadaires arrosent la rate, ils me retiennent. Nous rassasions, shit, si t'as fait la poulette, ta grippe, ta fourchette. Aucune couille dans les cordes vocales, cous in, out, cream, out. Un poulet et un tzigane, toi sur la gâchette. Je reste le pro de la résine, récite sans gros stress. Peau blanche, crâne rasé, pose crazy, écrasé comme regresse. Je progresse, évolue dans les volumes, proc la trogresse. Il faut du cash, pas vos lumières. Ligne à gros stress, néant l'adresse. La prose blesse comme une dose. Je t'offre des choses peu communes. Putain, personne proteste. Pays à des prothèses, une politique grotesque. Nique la prod, y'a trop de graisse. Major, pas genre de mon approche. Rap réel, du côté gauche, frappe réel. Et ça se déhanche, forme des clans. Au cas où, ça se déclenche, déclin. Je vois plus les anges, marme au cas où. Préparé au cas où, juste au cas où. La housse, aucune couille dans les cordes vocales. Cous in, out, green, house, nique la house. Yeah. Aucune couille dans les cordes vocales. Un coulis, un tigane, un coulis illégal. Hey yo, le rap ça crise, hey yo, se réveille au shit et vont pointer sous le préau. Là où l'erreur se paie, d'une bonne volée ou d'une rafale, pas sûr t'es volé. Hey yo, le rap ça crise, hey yo, se réveille au shit et vont pointer sous le préau. Là où l'erreur se paie, d'une bonne volée ou d'une rafale, pas sûr t'es volé. Hey yo, le rap ça crise, hey yo, se réveille au shit et vont pointer sous le préau.